En direct du Périscope. Bonsoir à vous et bienvenue ici dans la grande salle du Périscope qui vit à nouveau. Et franchement, c'est drôlement beau et ça fait du bien. Et bonsoir à vous aussi qui suivez Happy Hour depuis votre canapé, votre smartphone, peu importe, parce que oui, tout ça... C'est tout à la fois Happy Hour, c'est aussi c'est une interview, c'est un concert, c'est un live radio et c'est à voir aussi en vidéo. Avec toujours bien sûr des artistes et des musiques innovantes à vous faire entendre et à vous faire découvrir. Une musique répétitive, une musique faite de boucles et de décalages ce soir, celle du quartet Fantôme. Et Fantôme, c'est Morgane Carnet au saxophone et clarinette, Luca Ventimiglia au vibraphone, Jean-Brice Godet au clarinette et dictaphone, et Alexandre Duclosel au piano. Alexandre et Jean-Brice sont juste là avec nous pour cette petite interview avant le live. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Avant de parler de votre musique, de cette musique répétitive, j'aimerais bien, ça va être long, j'aimerais bien qu'on discute déjà de comment cette musique minimaliste est entrée dans vos vies, à vous, vos vies respectives. C'était par quel artiste? C'était à quel moment? Est-ce que vous étiez déjà musicien, Alexandre? Alors moi, c'est un très bon ami qui m'a fait écouter Music for 18 Musicians quand j'avais 20 ans. Et je l'ai écouté en entier, j'ai trouvé ça nul. Alors, ça m'a vraiment saoulé, comme l'expérience n'était vraiment pas terrible. 6 mois plus tard, je réécoute la même pièce et genre, j'ai un énorme coup de foudre. Et depuis, bah, je n'ai pas arrêté de chercher. Donc, c'est vraiment passé par Steve Reich. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Bah, je ne sais pas, j'ai dû mûrir. Peut-être que c'était aussi une posture. À l'époque, j'écoutais beaucoup de free et beaucoup de musique plus agressive. Et le fait qu'il y ait ces harmonies tonales, quelque chose d'un peu séduisant et d'un peu plus simple. Enfin, pas un peu plus simple en réalité, mais peut-être qu'il y a une sorte de posture. Ah non, j'aime pas, ça ne me plaît pas, ça me saoule, c'est pas assez intello. Et en fait, c'est vachement quand même. Voilà. Mais du coup, après, j'ai jamais arrêté de chercher dans cette musique. Quoi. Donc, c'est vraiment Steve Reich quand même. Vraiment Steve Reich. Pour toi, Jean-Brice ? Et moi, je citerais des films, en fait. La trilogie des Katsi, les Koyana Katsi, Boyana Katsi, je ne sais plus le nom du dernier, mais qui sont des films sans acteurs et sans dialogue. La musique a été faite par Philip Glass à l'époque, et c'était très, très novateur quand c'est sorti. Il me semble que c'est sorti d'abord en IMAX dans les années 80. Et donc, ça, c'est, moi, je l'ai vu à la Géode, quand j'avais peut-être 7 ou 8 ans, à la Géode, à la Villette. Et avec cette musique répétitive, c'est que des plans, séquences alors, chaque film a un thème, donc disons, globalement, c'est des plans séquences de ville ou de nature ou de chaîne de fabrication. C'est des trucs qu'on retrouve beaucoup maintenant dans les stories Instagram, par exemple. Mais qui à l'époque était vraiment très très novateur de poser une caméra sur une ville et de là c'est New York plus particulièrement et de voir les comme ça la vie de la ville de New York qui s'anime en accéléré avec de la musique répétitive derrière. Voilà, moi je pense que c'est ça mon premier rapport. Donc il y a une sorte de transe comme ça et puis qui est reliée de manière très organique à la nature humaine. Ça, c'est en tant qu'auditeur et du coup en tant que musicien, qu'est-ce qui vous intéresse dans cette musique? C'est la performance, c'est la rigueur. Qu'est-ce qui vous touche, vous, dans cette manière de faire de la musique? Bah, y a un effet, moi, que j'aime bien, dont parle Steve Reich. Alors nous, avec Fantôme, c'est pas qu'on le fait pas, mais vu que c'est improvisé, que c'est encore autre chose, mais il y a un truc qui me touche particulièrement, c'est l'idée de quand on joue genre 15 fois le même truc, au bout d'un moment, l'auditeur, il va l'entendre forcément différemment. Il va finir par créer lui-même des mélodies, des choses que le compositeur ou l'interprète n'avait pas forcément pensé. Et donc, il y a quelque chose d'un peu inclusif. Et moi, il y a plein de fois où, en fait, quand j'écoute des pièces soit de Reich, soit de Riley, soit de Glass, et bah, je finis par entendre des trucs un peu inconscients et je me sens presque maître de ce que je suis en train d'écouter, alors qu'en fait, je ne suis pas en train de jouer. Donc, du coup, j'aime bien produire ça quand je joue. Ouais, moi je crois que c'est la perte de la notion du temps, parce que dans la musique est quand même l'art par excellence du temps, du travail sur le temps et la temporalité, et dans la musique répétitive on trouve très très vite cette perte de notion du temps, et effectivement les différences qui apparaissent dans la réalisation des motifs répétés, quand ils se superposent de manière différente, et puis comment dire, les erreurs non, les erreurs involontaires aussi. Moi, ça, c'est un truc qui me touche beaucoup parce que ça se rapproche beaucoup de l'improvisation et puis de la vie en général, quoi, de toutes ces erreurs involontaires qu'on fait et qui d'un seul coup deviennent prennent une valeur presque de très très créative comme ça. À force de répéter le même motif, on entend des erreurs qui deviennent très très intéressantes et qui deviennent des éléments de création. Et est-ce que ça en devient une musique plus difficile, plus exigeante quand on la joue? Ces motifs bouclés comme ça? Oh, moi, je ne sais pas si j'arriverai à comparer l'exigence des musiques entre elles, parce que ça me paraît compliqué. Mais y a un truc sur l'endurance quand même, qui est complexe, mais c'est comme d'autres musiques qui ont d'autres complexités. Mais l'endurance, ouais, là, ça demande de l'énergie en tout cas. Et avec Fantôme, vous fonctionnez en une sorte de binôme. Les soufflants, par exemple, se répondent. D'ailleurs, le nom de Fantôme viendrait de ça, c'est que l'un arrive à disparaître dans ces deux binômes. Je pense que tu l'expliqueras mieux que moi, donc je te laisse le faire. Il y a un truc un peu, en effet, deux claviers, deux soufflants. Et donc, forcément, ça crée un rapport un peu de gémeaux, quoi. Enfin, il y a vraiment un truc où, comme c'est à la fois les mêmes techniques et puis les mêmes possibilités sur chacun des deux binômes. Et donc, forcément, il y a quelque chose dans les timbres qui se rapprochent. Il y a quelque chose aussi dans les intentions. Enfin, donc, c'est... Ouais, ça fonctionne clairement comme ça, quoi. Un peu comme fantôme ou miroir, un peu, de l'autre. Ouais, une sorte de fausse symétrie, quoi. De fausse symétrie. De spectre. D'asymétrie. Vous vous êtes éloigné de plus en plus de l'impro, alors qu'au début, avec Fantôme, c'était beaucoup de l'impro. Pourquoi vous avez choisi de vous en éloigner? Et qu'est-ce que ça change sur votre son et vos compositions? Alors ça, c'est une très bonne question, parce que je pense qu'on ne se l'est pas posé comme ça. Mais ici... C'est là pour ça. Ouais. Mais du coup, je vais inventer une réponse en direct. Il y a eu cette chose, cette envie très forte de faire un disque, et je crois qu'on ne voulait pas faire un disque d'improvisation. Je pense que c'était un peu notre désir à nous quatre, je ne dis pas trop de bêtises. Et donc le processus avait été entamé avant même l'enregistrement du disque, c'est-à-dire dès qu'on a pu répéter, on a commencé à fixer des choses, quoi. Et avant ce concert à la Dynamo à Jazz à la Villette là il y a 2 ans, on n'avait pas répété ou très peu. Alors on s'est retrouvé à répéter, à avoir des moyens pour répéter, et puis il y a des idées qu'on a décidé de garder. En fait, l'écriture s'est faite aussi par le contexte dans lequel on a pu travailler à un moment donné, quoi. Et le disque, après, je pense, il y a ça. Si tu veux continuer, Alex. Après, il faut pas non plus... Enfin, c'est quand même... L'écriture, alors, certains endroits, non, mais de manière générale, c'est quand même des sortes de balises, en fait, qu'on se donne... Et qui viennent nourrir quelque chose qui reste quand même improvisé en temps réel. Alors, c'est-à-dire qu'on sait où on va, mais c'est un peu comme le quartet de Coltrane. Ils avaient des sortes de repères comme ça dans la musique, et dès qu'on entendait ce repère, ça voulait dire on est là et puis on va faire ça comme ça. Alors après, il y a certaines formes qui sont quand même prédéfinies, mais pas sur tous les morceaux du tout. Donc c'est un vrai mélange entre les deux, quand même. Ouais, il reste beaucoup d'improvisation. Hein. Et dans Happy Hour, on demande à chaque fois aux artistes de choisir un morceau qui est important pour eux, pour le groupe, et qui raconte aussi d'une autre manière ce que défend le groupe. Vous avez choisi ce morceau, on l'écoute et vous nous en parlez juste après. Thank you. Poppin' O'Good and the Phantom Band, c'est une composition de Terry Riley. Alors Terry Riley, considéré comme le fondateur de la musique minimaliste, donc je ne vous demande pas pourquoi cet artiste, mais pourquoi ce morceau particulièrement ? On s'appelle Phantom. Alors l'histoire, c'est que, mais j'aime souvent à le répéter pour parler du groupe. En gros, là c'est un disque où Terry Riley, il est tout seul en concert. Et donc c'est un live où il est tout seul et il est au saxophone et à l'orgue. Et il a en fait des sortes de pédales, des accumulateurs qui le répliquent un peu à l'infini. Et donc ça donne ce truc où il joue tout seul avec son groupe fantôme de lui-même. Et donc c'est pour ça qu'on a appelé le groupe fantôme. Donc je pense que c'était le meilleur. Enfin, nous avons pensé collectivement que c'était le meilleur morceau. Oui, voilà. Pour aujourd'hui, pour ce soir. En tout cas, Terry Riley, il vous accompagne un peu toujours. Ouais, grave. De quelle manière ? Bah, ne serait-ce que dans le titre. Ah non, est-ce que je peux. Bah, le titre du groupe déjà. Tu fais ce que tu veux. Et puis même dans beaucoup de choses, dans les choix harmoniques, beaucoup. Enfin, vous allez voir la première pièce que vous allez entendre, il y a quand même quelque chose qui est très proche quand même du vocabulaire harmonique et mélodique de Terry Riley et de Steve Reich. Mais même dans l'esprit, il y a quelque chose d'assez psyché en fait, et presque parfois un peu New Age chez Terry Riley. Et je crois qu'on a un peu ce truc-là, un petit peu avec Phantom. Donc voilà. Ouais, et puis il faisait partie du mouvement Fluxus aussi, qui est un mouvement qui a débordé le domaine de la musique, hein, pour aller plus aussi dans les arts contemporains, mais qui moi et nous inspire beaucoup, parce qu'ils ont vraiment défriché des domaines du possible et des domaines de l'imaginaire que je pense pas qu'il y ait eu des exemples comme ça avant eux. Ils ont vraiment été novateurs. Dans la pensée de la musique et même dans la pensée de la performance en général. Vous servez, et toi tu te sers de dictaphone et de boucles enregistrées. Est-ce que tu peux juste un tout petit peu nous raconter comment tu fais ? Absolument, je peux vous raconter comment je fais. Ça c'est sympa. Ouais, j'ai commencé un travail avec des dictaphones d'abord sans savoir ce que j'allais en faire, et puis c'est devenu un solo, et puis enfin, avant de devenir un solo, je m'en suis servi dans plein de projets puisque tous les copains me demandaient de venir avec les dictaphones, parce que ça me permettrait de ramener du texte, des éléments de texte et des éléments de field recording, d'enregistrement comme ça, de nature, en utilisant les cassettes, du coup avec une qualité qui est un peu dégradée, mais qui dans sa dégradation, donne une couleur, une sorte de patine, oui, comme ça, comme une mémoire, une réminiscence d'une mémoire oubliée, comme ça. C'est ce que fait un peu la cassette. Alors, j'ai enregistré chacun de nous séparément en jouant des boucles, et puis ensuite j'ai enregistré cette piste où il y avait plein de boucles sur une cassette, et après moi je fabrique des cassettes loop, donc ça c'est vraiment du bricolage où je prends une longueur définie de bande de cassette, et je coupe cette longueur et je connecte le début avec la fin et je le remets dans la cassette et je le fais jouer par un dictaphone, et du coup ça fait une boucle infinie. Voilà, c'est ça le processus. Et dans ce processus, il y a beaucoup d'aléatoires. C'est-à-dire, je ne pourrais pas du tout obtenir le même résultat avec de l'informatique. Il y a vraiment quelque chose avec la bande magnétique qui justement, comme je disais un peu avant, provoque de l'erreur et du coup, à mon sens, provoque de la créativité. Voilà. Il y a un album qui sortira en octobre qui s'appelle Night Flight. Il est enregistré, il est prêt. Vous l'avez enregistré quand ? Comment ça s'est passé ? On l'a enregistré en juillet 2020. À la Dynamo, à Pantin, du coup. Et donc voilà, c'était, bah, comme disait Jean-Brice tout à l'heure, ça a été l'occasion vraiment de tester ce processus à la fois de composition-improvisation et donc vraiment de le fixer aussi. Et donc il a été magnifiquement enregistré par Céline Granger et mixé. Et puis que dire d'autre ? Bah, il sort chez Carton Records. Il sort bien sûr chez Carton Records. Ça, c'est quand même important. C'est, voilà. Et on a prévu de faire... En fait, il y aura vraiment trois manières d'écouter cette musique-là. Il y aura un CD, il y aura un vinyle avec une setlist un petit peu différente, et puis il y aura aussi les écoutes sur les écoutes numériques, qui est encore une autre setlist un petit peu modifiée. Et on espère qu'on sortira le vinyle, parce que c'est très compliqué de faire des vinyles en ce moment. Il y a une usine qui a brûlé en Californie, qui fabriquait des polymères, qui a brûlé en février. Et tout le monde veut faire des vinyles, même Beyoncé, donc on est perdu. Parce qu'on est pas... après Beyoncé. Et on passe forcément après Beyoncé, voilà. Parce qu'on en fait 300 pendant qu'elle en fait 50 000. Donc c'est la loi du marché, qu'est-ce que je veux que je vous dise. Et vous êtes aussi, vous bénéficiez de l'accompagnement de Jazz Migration. Comment ça vous aide ? Qu'est-ce que ça vous apporte, vous, avec le quartet Fantôme ? L'accompagnement, il se fait en deux temps. Il y a un premier temps de structuration, vraiment et d'aide, vraiment, et de comme des sortes de pas de masterclass, mais de cours, en fait, pour aider à se structurer, travailler sur la communication, apprendre énormément de choses qui sont reliées, en fait, à tout ce qui est périphérique autour de la musique dans le métier de musicien, quoi. Tout ce qui est plutôt entrepreneurial, d'une certaine manière. Et ensuite, là, ça, c'est le premier volet. Second volet, c'est un volet de tournée, tout simplement, où, en gros, pendant un an, ben, Jazz Migration nous aide à trouver des dates de concerts. Mais là, avec le Covid, il y a eu tout plein d'autres dispositifs, hein, vraiment sur les répétitions, de résidence, d'aide pour plein de trucs. Enfin, ça a été vraiment c'était génial, quoi, pour non seulement garder la tête hors de l'eau, puis même pour. Enfin, c'était une super expérience. Enfin, c'est toujours une super expérience puisqu'on est au début de la tournée d'été, donc voilà. Et merci encore, à eux. Il y a encore plein de dates qui s'annoncent. Ce retour sur scène, pour vous, ça fait quoi? C'est pas le tout premier concert, mais qu'est-ce que ça vous fait de remonter sur scène? Oh bah, ça nous fait énormément plaisir, hein, puis de retrouver des gens, de jouer devant des gens. La musique, elle n'existe pas sans auditeurs, différemment. Alors il y avait bon, on n'a pas encore repris vraiment, quoi. Pour l'instant, c'est balbutiant. Je pense que tout le monde est encore frileux. Je sais pas. Pour que les gens reviennent au concert, pour que les programmateurs reprogramment. Voilà. Donc c'est le début. Ça fait très plaisir d'être là, de retrouver des gens. On n'est pas encore comme avant, mais je pense, j'espère qu'on inventera une manière d'être différente de celle dans laquelle on est pour l'instant. En tout cas, le comme avant, je crois que ça ne reviendra pas. Mais bon, ça, c'est une autre question. Et alors, c'était quoi la question de départ? C'était sur le. Ouais, je suis complètement en train de me perdre. L'émotion de remonter sur scène. Bah, ça fait, c'est indispensable. C'est le sens de notre activité, quoi. C'est sûr que de jouer devant des caméras, c'était intéressant comme expérience, mais oui. Assez peu satisfaisant finalement. Enfin, c'était très, très, ça c'était très étrange, très très étrange. En tout cas, oui, ça nous fait très plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir accepté de répondre à ces questions. Juste avant, je vous laisse reprendre vos places pour le live. Le temps pour moi de vous remercier, vous, de remercier Fantôme, de rappeler que c'était Happy Hour, que c'est une émission qui se retrouve sur Periscope Radio, sur toutes les radios partenaires aussi, bien sûr. Et maintenant, on écoute Fantôme en direct du Periscope. Vous écoutez Happy Hour, Happy Hour, les concerts enregistrés en live du Périscope. C'est l'heure d'Happy Hour. C'est l'heure d'Happy Hour. Thank you. Yann Carnet, Alexandre Duclosel, Lucas Ventimiglia, je m'appelle Jean-Brice Godet, on s'appelle Fantôme. Merci encore pour l'accueil. Et puis, à la prochaine, et retournez au concert. Et